Aujourd'hui tu m'as chopé, je te 'Cause I'm not good, I'm good for anything. Yeah. Thank you. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais faut que j'aille bosser quand même. Faites un bon courage à Mr. Beaverbrook. Thank you. Mmh.